France Inter, le 6-9 du week-end, Éric Delvaux. Les aventuriers, bonjour Fabienne Chauvière. Bonjour Éric. On va commencer cette séquence en nous rappelant un événement important. Hein. Oui, la fête de la science débute dès aujourd'hui et se poursuit jusqu'au 14 octobre avec des milliers d'animations gratuite dans les laboratoires, les musées, les lieux publics. Il s'agit de la 28e édition de la Fête de la Science et c'est de mieux en mieux chaque année. Éric, j'espère que vous allez y aller. Vive les sciences, absolument. Et puis, en marge, vous avez rencontré cette semaine un spécialiste des volcans. J'ai été happé, c'est le mot, par un ouvrage qui vient d'être publié chez Delachaux et Niesley, Volcans artistes de la Terre. Les photos sont fascinantes et le texte archi limpide. L'auteur s'appelle Gilbert Chéroret. Gilbert Chéroret, docteur en neurotoxicologie, parcourt le monde depuis des décennies pour observer au plus près les volcans actifs de notre planète. L'approche du volcan est une expérience à vivre. Il y a la fatigue, il y a les risques aussi. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. On peut grimper et ne rien voir. Quand on arrive, si on a la chance de voir, c'est extraordinaire. Les volcans peuvent offrir des spectacles saisissants et en ce moment même, des dizaines de volcans sont en activité sur notre planète. Alors Fabienne, on sait qu'il y a plusieurs formes d'éruption. Pour les reconnaître, est-ce qu'il y a une façon simple de s'y retrouver ? Oui. Et j'ai enfin compris, grâce à Gilbert Chéroret, en fait, tout dépend de la lave. Une lave très liquide ne réagira pas de la même façon qu'une lave visqueuse. Les caractères d'une éruption dépendent de la viscosité du magma et éventuellement de son contact avec de l'eau. On va distinguer quatre grands types d'éruptions. D'abord, les éruptions qu'on appelle effusives. Dans ces cas-là, la lave est fluide et les gaz qu'elle contient vont s'en échapper très facilement, mais il n'y a aucune explosion. Les éruptions qu'on appelle éruptions mixtes, la lave va monter par un conduit et les gaz qu'elle contient toujours vont commencer à former des bulles et elles vont entraîner la lave et la projeter à l'extérieur. Le modèle que l'on donne pour décrire ce type d'éruption, c'est le modèle de la bouteille d'eau gazeuse qu'on a secouée et qu'on ouvre. Le type, c'est le Stromboli. On photographie beaucoup ces volcans parce qu'ils sont spectaculaires. La nuit, bien sûr, ils forment des gerbes, etc. Mais en fait, ce ne sont pas les plus nombreux. Les plus nombreux sont les volcans qui font des explosions très violentes, dont la lave est beaucoup plus visqueuse. Donc la lave est libérée sous forme de blocs et de cendres, beaucoup de cendres. Et puis enfin, lorsque la lave est vraiment très très visqueuse, alors les gaz ne peuvent pas s'échapper. Et là, elle va monter lentement en formant un dôme qui peut s'écrouler et former une nuée ardente, par exemple. Mais là, il n'y a pas d'explosion. On va de la lave la plus fluide à la lave la plus visqueuse. Si la lave rencontre de l'eau, la lave est carrément pulvérisée en petits morceaux. Et puis on va rappeler, Fabienne, que pendant longtemps, il a été difficile de prévoir les éruptions. Aujourd'hui, c'est encore vrai ? Aujourd'hui, il y a la technologie, le GPS notamment, qui permet de mieux anticiper. Quand le magma s'élève, l'édifice va vibrer. Et ces vibrations vont être détectées par des sismographes. Le volcan vibre un petit peu, mais il se gonfle aussi. On va détecter ce gonflement qui peut être que de quelques centimètres avec des appareils qu'on appelle des inclinomètres qui vont mesurer la pente, des distances mètres. Et puis, on utilise un GPS différentiel. Enfin, la dernière technique, qui est d'ailleurs ancienne, consiste à mesurer l'évolution des gaz volcaniques parce que les gaz vont être plus chauds, plus abondants. Et puis, ils vont changer en composition. Et je rappelle donc ce livre signé Gilbert Chéroret. Ça s'appelle « Volcans, artistes de la Terre ». C'est paru aux éditions Delachaux et Niesley.